dance to the fly, to the feeling of now. Alors, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? On a découvert le rock avec mon prof d'anglais. Les paroles sont géniales. Ah, super ça! Et sinon, ta chambre, elle serait pas un petit peu rock'n'roll aussi? Mais papa! Pendant les vacances, Acadomia propose des stages d'anglais façon summer camp, à domicile, en centre ou en ligne. L'occasion de profiter de l'été pour progresser, où que vous soyez. Renseignements sur acadomia.fr. Acadomia, ils ont tout pour réussir. C'est le plus grand des requins, oui, mais c'est un mégalodon, donc pas tout à fait un requin en fait. Il nourrit l'imaginaire des amoureux ou des terrifiés par les squales. Pourquoi ce géant des mers a-t-il disparu alors qu'il était au sommet de la chaîne alimentaire? On reste dans les océans, mais pour en étudier la teneur en plastique, si les gyres ou continents de plastique sont étudiés et bien connus aujourd'hui, une énigme subsiste: où est passé tout le reste, soit 80% du plastique déversé que l'on ne retrouve pas dans ces plaques flottantes. Et enfin, nous recevrons en exclusivité les deux gagnants de la finale de ma thèse en 180 secondes qui ont été primés hier soir. Mégalodon, plastique océanique et ma thèse en 180 secondes, c'est le programme généreux qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour détailler ce programme, il est à l'actualité scientifique ce que le mégalodon est aux océans, non pas une espèce disparue, mais un géant au sommet, bien sûr. Bonjour Olivier Lascar. Eh oui, il bouge encore. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Rédacteur en chef du pôle numérique de notre partenaire chéri Science et Avenir. Nous sommes également en ligne avec notre camarade Anne Debroise. Bonjour. Bonjour. Bonjour Anne et bienvenue à la méthode scientifique. Vous êtes journaliste pour le magazine Science et Vie et La Relève, le futur de la recherche française, est autour de cette table en la personne de Paul Dekitt. Bonjour. Bonjour. Et de Louise Flidel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux respectivement premier et deuxième prix de la finale de ma thèse en 180 secondes. On vous entendra tout à l'heure, mais on commence par celle qui écume l'actualité scientifique comme le mégalodon écumait les océans. Elle a les dents moins grandes néanmoins, quoique. C'est Natacha Trio. Pour le journal moins coupante, on va dire alors. Et on commence ce journal avec une étude parue dans Nature Nanotechnology et la création d'un test sanguin qui indique si un traitement contre le cancer fonctionne. Oui, actuellement, les technologies pour vérifier l'efficacité d'un traitement antitumoral sont chères, invasives et lentes, alors que l'on sait que le temps est précieux en cancérologie. Une équipe américaine vient de créer l'exoscope. Il fonctionne en une seule prise de sang et donne un résultat en une heure. Le capteur exoscope contient des millions de nano-anneaux plasmoniques en or pour capturer les vésicules extracellulaires. Alors, ce sont des minuscules particules qui sont sécrétées par les cellules cancéreuses et qui circulent dans le sang. Lorsqu'une cellule cancéreuse est touchée par un médicament, elle sécrète des vésicules extracellulaires qui portent la trace de ce traitement. Et c'est ce que mesure et interprète ce nouvel outil. Alors, lors d'un essai clinique avec 106 patients atteints d'un cancer du poumon, l'exoscope a indiqué avec 95% de précision l'efficacité du traitement en cours. Selon les auteurs, cette technologie pourrait être utilisée d'ici 3 ans. Et selon une étude en bref, Natacha, publiée dans le New England Journal of Medicine, les chercheurs ont réussi à contenir la transmission du virus de la dengue. Oui, cette maladie qui tue chaque année 25 000 personnes est transmise par le moustique Aedes aegypti. Alors, cette équipe internationale a infecté ces moustiques avec une bactérie, la Wolbachia. Une bactérie qui ralentit chez les moustiques la reproduction des virus. Alors non seulement le virus de la dengue, mais aussi le Zika et le chikungunya. Les chercheurs ont ensuite libéré ces moustiques infectés dans 12 zones sur l'île de Java, en Indonésie, tandis que 12 autres zones ont été observées en groupe témoin. Il se trouve qu'au cours des 27 mois suivants, les habitants des zones où se trouvaient les moustiques contaminés ont connu 77% de cas de dengue en moins que ceux du groupe témoin. En bref, toujours selon une étude parue dans PLOS ONE, l'histoire de la locomotion terrestre est plus complexe qu'on ne le pense. Il y a environ 340 millions d'années, des amphibiens ont commencé à vivre au bord de l'eau, sur la terre ferme. Alors parmi ces premiers vertébrés terrestres, il y a les temnospondyles, un groupe éteint d'amphibiens proche de la salamandre. Une équipe américaine a analysé les fossiles d'une quarantaine d'espèces de temnospondyles avec une attention toute particulière sur leurs vertèbres. Après avoir élu domicile sur Terre, ces amphibiens ont ensuite réévolué dans l'eau, en espèces aquatiques. Et alors qu'on pensait que la rigidité vertébrale était capitale pour la locomotion terrestre, ce serait en fait pour s'adapter à la vie aquatique que ces tétrapodes ont développé des colonnes vertébrales plus rigides. Et on... J'allais vous dire que vous pourriez retrouver les études sur le fil Twitter de la méthode scientifique, mais vous le savez, vous qui écoutez la méthode scientifique depuis maintenant de nombreuses années. On passe au deuxième sujet de ce journal. Natacha, pour la première fois, les chercheurs du GIEC et ceux de l'IPBES ont collaboré pour un rapport commun sur le climat et la biodiversité. Et lutte pour le climat et lutte pour la biodiversité, même combat. Hein. C'est la conclusion de ce rapport paru hier pour la première collaboration entre les experts de l'IPBES et du GIEC. Alors dans ce document, il rappelle que ces deux crises planétaires majeures sont liées. Et pourtant, elles sont abordées séparément, alors qu'elles ont toutes les deux des impacts l'une sur l'autre. Alors selon ce papier, la lutte contre le changement climatique et celle contre la perte de la biodiversité doivent être menées ensemble ou sinon, aucune ne sera résolue avec succès. Les chercheurs listent une série de pistes d'action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, tout en encourageant à la biodiversité. Alors par exemple, arrêter de détruire les écosystèmes qui stockent beaucoup de carbone, les forêts, les tourbières, les savanes, les zones humides, mais aussi restaurer et mieux protéger les habitats naturels, ou encore réduire les pesticides, ce qui permettrait d'économiser 3 à 6 milliards de tonnes d'émissions par an. C'est un rapport précieux pour la prochaine COP26, prévue en novembre à Glasgow. Cette semaine, dans le journal des sciences, il a été question d'un nouveau microscope quantique, d'animaux qui reviennent à la vie après avoir été congelés pendant 24 000 ans, de l'autorisation très controversée de la FDA pour l'Aduhelm, qui est un traitement censé soulager la maladie d'Alzheimer, et de l'étude des micro-algues rouges des neiges, mais également dans l'actualité scientifique cette semaine, Natacha, et en ultra bref. Le nouveau rapport de l'UNESCO sur la science a été publié aujourd'hui. Tous les 5 ans, ce rapport suit l'évolution des politiques publiques pour les sciences dans plus de 190 pays. Alors, dopé par la crise sanitaire, l'investissement mondial dans la recherche scientifique a progressé de 19%. Les États-Unis et la Chine sont les deux pays qui dépensent le plus dans la recherche. L'intelligence artificielle et la robotique sont les secteurs les plus prisés. Cette semaine, on a appris que Jeff Bezos, le patron d'Amazon, embarquera à bord du premier vol inaugural de sa compagnie Blue Origin avec la fusée New Shepard. Un vol de 10 à 15 minutes pour 3 minutes d'apesanteur. Ce premier voyage de tourisme spatial est prévu le 20 juillet, le jour du 52e anniversaire des premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune. Et enfin cette semaine, oubliez les alcotests classiques. Une équipe japonaise vient d'inventer l'alcotest par les oreilles. La peau d'une oreille est fine et ses glandes sudoripares peuvent sécréter de l'alcool si vous en consommez. Les chercheurs ont modifié un casque de protection contre le bruit pour que de l'air puisse être soufflé de l'intérieur vers l'extérieur, vers un capteur de vapeur d'éthanol. Ce casque s'est montré aussi efficace qu'un éthylomètre classique. Et ce n'était pas encore la rubrique de science improbable. C'est là que, d'un seul coup, l'inquiétude monte, puisque c'est maintenant... La transition est facile. La transition n'est pas très compliquée, Natacha, puisque pour cette rubrique hebdomadaire de la gêne scientifique, vous nous parlez d'une prépublication du site BioArchive qui consiste pour des chercheurs à droguer des homards. Oui, une équipe californienne a enfermé des homards dans un réservoir pendant 30 à 60 minutes et du THC était vaporisé avec une cigarette électronique. Alors le but de l'expérience, c'est de tester le cannabis médical sur les homards pour vérifier s'ils seraient moins sensibles à la douleur avant de passer à la casserole. Alors ces animaux n'ont pas de poumons, mais des branchies, donc les chercheurs ne savaient pas s'ils pouvaient absorber du THC. Alors ils le peuvent, c'est ce qu'ont révélé les analyses des molins, enfin le sang chez les invertébrés, et les chercheurs ont aussi constaté qu'ils étaient beaucoup plus lents que des homards sobres. Mais pour autant, selon ce papier, le cannabis ne semble pas offrir une mort plus douce. D'autant plus que le homard au THC, ça prévoit des fins de soirée sympathiques après la fin du dîner. Merci beaucoup Natacha, on va faire un tour de table pour commenter l'actualité scientifique de la semaine. Olivier, qu'est-ce qui a retenu votre attention particulièrement ? Une forme de surprise de voir que c'est la première fois que collaborent les institutions onusiennes qui statuent sur l'état du climat et de la biodiversité, tant il peut paraître assez intuitif, et non pas simplement intuitif, c'est prouvé par moult études, que ces deux questions sont liées. Ça arrive effectivement à un moment, j'allais dire un moment charnière. Il y en a tellement eu des moments charnières qu'on ne sait plus s'il faut les qualifier comme tels. Mais on a eu des papiers cette année et ces derniers mois disant par exemple que la forêt amazonienne ne jouait plus son rôle de puits de carbone. Hein, mais au contraire, qu'elle commençait à émettre plus de carbone qu'elle en absorbait. Oui. Donc on peut espérer que ce nouveau rapport trouvera un écho scientifique, politique, médiatique, grâce à des émissions comme la vôtre, Nicolas. Peut-être, ou grâce à votre magazine. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai qu'on se pose un peu la question, et on en parlait d'ailleurs ce matin en faisant le menu du journal avec Natacha, de ces rapports qui sont certainement très très utiles ou très importants sur des plans institutionnels, mais dont on a un peu l'impression qu'ils brassent de l'évidence. À quoi ils servent en fait ? À quoi servent ces rapports ? Est-ce que ça sert pour les décideurs politiques, pour les chefs d'État, pour les industriels ? Enfin, parce que si vous voulez dire qu'effectivement il faut continuer à lutter contre les pesticides, arrêter de déforester, et que cela va aider à la fois, on a l'impression qu'on n'a pas besoin de mettre beaucoup de scientifiques au gradé autour d'une table pour arriver à ces conclusions-là. Non, mais on a l'impression que l'accumulation de ces rapports servent à atteindre une forme de point d'ébullition sociétale, c'est-à-dire que il faut effectivement que toutes les entités qui composent la société, les politiques, les entreprises, les citoyens, à un moment donné se disent, on se retrousse les manches, on peut plus attendre, quoi. Hein. Et c'est cette accumulation qui fait qu'à un moment donné, comme la casserole avec l'eau qui reste plate et qui, au bout d'un moment, les petites bulles commencent à émerger à la surface, on peut arriver à ce moment-là avec cette accumulation de dossiers, d'études qui ont... Qui sont pertinentes. On a bien vu pendant la présidence de Trump que les États aux États-Unis et les entreprises, en l'absence de décision de Washington, de la Maison Blanche, avaient, elles, de leur côté, pris à bras le corps le dossier et poussé des réalisations qui permettait d'aller vers un sens de la réduction des gaz à effet de serre. Le contre-exemple, c'est plutôt le Brésil en ce moment, parce qu'on n'a pas l'impression que malgré l'action de Jair Bolsonaro, il y a finalement une sorte de réseau autre que citoyen, évidemment, et politique du côté des décideurs ou de la classe politique. Peut-être, Anne Debroise, votre sentiment à ce propos sur l'importance, parce qu'il y a certainement une importance à voir ces rapports officiels qui ont pourtant, pour nous et pour les observateurs de l'évolution du climat, l'impression de brasser un peu des évidences. Oui, mais je pense que c'est important d'arriver à ce niveau de consensus dans la société. Peut-être que nous, on évolue dans un milieu où ça paraît évident, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Oui, il y a certainement un besoin de continuer à affirmer et à insister, effectivement, à rajouter du poids dans cette balance argumentaire. Anne Debroise, il y a d'autres sujets sur l'actualité de la semaine ou du Journal des Sciences sur lesquels vous aimeriez réagir ? Mais moi, j'ai beaucoup aimé cette annonce, donc cette démonstration qu'on peut arriver à lutter contre la propagation de la dengue en libérant des moustiques donc infectés par une bactérie, parce que c'est une solution extrêmement astucieuse, assez naturelle. Et je trouve qu'en plus, elle démontre l'importance non seulement de faire les choses, de faire de la recherche, mais également de communiquer autour et de l'expliquer. Puisqu'apparemment, c'est des techniques qui sont étudiées depuis une vingtaine d'années, donc elles ne sont pas récentes et elles suscitent dans la population souvent des réticences. Et dans cette ville où ça a été fait, en Indonésie, les gens, la population au départ était tout à fait contre. Et puis il y a eu une communication, une explication, et on a fini par monter cette étude qui en plus a fait la démonstration que ça marche, parce que même si les chercheurs étaient eux persuadés, eh bien il fallait des chiffres pour démontrer qu'on arrivait au but qui était effectivement de faire diminuer les cas de dengue. Et je trouve que voilà, c'est une belle démonstration. C'est intéressant, et c'est d'autant plus intéressant que on voit que contre ces maladies comme la dengue, comme la malaria, enfin ces maladies à vecteurs, effectivement influer sur les vecteurs est une option de plus en plus bien favorisées ou en tout cas travaillées par les chercheurs. Il y avait également eu des recherches qui suscitaient une certaine inquiétude, qui étaient là pour la malaria, pour relâcher des moustiques qui, eux, avaient été génétiquement modifiés pour empêcher, justement, ou en tout cas pour aider à l'éradication d'une partie des moustiques vecteurs. Est-ce que c'est ce même type d'étude? Est-ce qu'il faut prendre toutes ces études sur un pied d'égalité, ou est-ce qu'il y a des études qui sont effectivement bien plus sensibles que d'autres, en quelque sorte, Anne? Je pense que chaque méthode est extrêmement différente. Ce sont des équilibres écologiques qui peuvent être brisés par de toutes petites différences. Là, dans le cas de la, je crois que c'était des moustiques stériles qu'on essaye de relâcher. Ça suscite également des peurs, mais ce sont des programmes qui sont en route et qui peuvent également fonctionner, hein, mais il faut effectivement être sûr de ce qu'on fait, parce qu'on touche à des choses, à des équilibres assez fragiles. Bien sûr. Peut-être un mot, Paul De Kitt, Louise Fidel, il y a des choses dans l'actualité scientifique qui vous ont fait réagir ou sur lesquelles vous aimeriez dire un mot, Louise ? Oui, tout à fait. J'ai été interpellée par les exoscopes. Travaillant moi-même dans les nanoparticules, forcément, j'ai été interpellée par ce sujet et que je trouve assez fascinant, et qui est une technologie qui a l'air très prometteuse, parce qu'effectivement, développer des médicaments et des traitements, c'est très important, mais tester l'efficacité de ces médicaments reste aussi une question qui nous intéresse, nous, les professionnels de santé, pour justement aller au plus proche du patient et être pour faire une médecine personnalisée qui est aujourd'hui en plein développement. Bien sûr. Peut-être, Paul, aussi sur cette question, effectivement, sur ces tests d'efficacité qui permettent de gagner un temps et d'éviter une errance diagnostique dans des traitements contre le cancer. Si on peut voir si ça marche tout de suite, finalement, ça évite d'insister sur des traitements qui sont lourds et qui peuvent avoir des conséquences et des effets secondaires très graves pour les patients. Alors ça, ce sont des aspects qui touchent plus à la science du médicament. Et dans mon travail de thèse, j'ai plutôt été sur le diagnostic plutôt précoce des maladies. La partie médicament avec ce qu'elle peut comporter de chimie organique et autres, c'est un petit peu loin de mon sujet, donc je ne vais pas vraiment m'exprimer sur quelque chose sur lequel je ne vais pas être spécialiste. Mais il y a autre chose qui a retenu votre attention ? Oui, moi j'étais pareil. L'actualité qui parlait de la crise climatique et de la biodiversité, avec un rapport conjoint de l'IPBES et du GIEC, ça me semble être une actualité vraiment fondamentale, parce que c'est les enjeux du futur, c'est les plus gros enjeux du 21e siècle, au-delà de tout ce qui pourrait se passer dans la technologie. Et quand on se pose la question de savoir si ces rapports ont un impact vis-à-vis du grand public, pour savoir s'il faut alerter sur ces questions, évidemment, c'est un enjeu important, mais je ne pense pas que ce soit le rôle de la science également d'aller définir dans quelle direction il faut y aller. Le but de la science, c'est de faire le constat, de dire voilà ce qui va se passer si on n'agit pas, et ensuite, c'est aux politiques de décider dans quelle direction on veut aller et comment on veut le faire. De bien faire le distinguo, effectivement, entre ce qui relève de l'analyse scientifique et de la décision politique. On va vous retrouver tous les deux, l'un et l'autre, prix premier et deuxième prix du jury de ma thèse en 180 secondes tout à l'heure. Mais avant cela, eh bien, on va ouvrir nos dossiers du jour, à commencer, des dossiers qui sont l'un et l'autre très océaniques. Il arrive, il vient. Où il est? Je sais pas. Je le vois pas. Où il est? Il est temps que la saison se termine, parce qu'il y a une chute de niveau vraiment radicale d'épisode en épisode. Voilà où nous en sommes grâce à vous, Olivier. J'espère que vous sentez le poids de la culpabilité porté sur vos épaules. C'est un extrait d'Dans nos troubles, un film de John Turteltaub avec Jason Statham, qui sont confrontés à un monstre océanique issu des profondeurs du passé et des océans, puisque tous les océanologues vous le diront, hein, ils l'ont dit d'ailleurs à ce micro, à quel point ils en veulent à Steven Spielberg pour avoir fait du requin cet animal maléfique au regard de mort, alors que chaque année les requins font en fait moins de morts que les vaches domestiques. Oui. Mais mieux que le requin, mieux encore que le requin qui dévore les gens dans des tornades, Olivier, il y a le mégalodon. Oui, qui est alors, un peu votre passion, par ailleurs. Oui, alors, parce que c'est vrai que le requin, avec les dents de la mer, a charré une fort mauvaise réputation. Enfin, il est aussi devenu une forme d'animal icône. Et je pense que le film y a contribué. Là, ce qu'on a entendu, là, Meg, effectivement, on peut le croiser les soirs d'errance sur la TNT ou sur la chaîne câblée. On en est à ce niveau-là. Voilà, c'est assez... Il y a un autre film qui s'appelle Mégalodon qui est pire encore, que je vous ai échappé. Je vous ai évité ça. Envie, on va chercher ça. Non. Le Mégalodon, on l'associe de façon extrêmement étroite au Grand Requin Blanc. On a l'impression que c'est un copier-coller du Grand Requin Blanc, enfin, à une... échelle près, hein, puisque le mégalodon, il aurait fait au moins trois fois la taille du grand requin blanc. Mais c'est une idée fausse, c'est-à-dire que le mégalodon n'est pas l'ancêtre du grand requin blanc. On a longtemps cru ça, parce que du mégalodon aujourd'hui, il reste quoi ? Très peu de choses, quelques petits bouts de vertèbres, hein, par-ci, par-là, mais surtout, il reste des quenottes, il reste des dents. Vous êtes en train de me dire que c'est pas réaliste, le film de The Meg, c'est pas... Eh ben, c'est pas... Je suis déçu. Je veux pas que si Jason Statham nous entend, ça pourrait c'est un froisser. Auditeur, c'est un auditeur assidu de la méthode scientifique. Mais le simple fait de considérer que le mégalodon pourrait être une sorte de requin blanc, Carcharodon carcharias bodybuildé, c'est une idée qui est fausse. Parce que, extérieurement, les animaux auraient pu être assez dissemblables, finalement. On a cru qu'ils étaient liés parce que les dents, donc, représentent superficiellement, parce que quand on les regarde de près, c'est pas si vrai que ça, mais elles sont triangulaires. Celles du mégalodon pouvaient atteindre jusqu'à 16 cm de long. Et puis, cette confusion se justifie aussi parce que les deux espèces appartiennent au même groupe biologique, celui des lamniformes. Mais on s'est rendu compte depuis que, à l'intérieur de ce groupe, elles avaient évolué en deux familles différentes et que le mégalodon est le représentant d'une famille qui est aujourd'hui éteinte, disparue. Il n'y a plus aucun squale dans les océans qui soit un représentant des autodontidés. Ça s'appelle les autodontidés. Donc, on ne peut pas savoir, finalement, par analogie, à quoi pouvait ressembler le mégalodon. Il est apparu... Alors, il faut faire un peu de paléontologie océanographique. Ça date de quand, le mégalodon ? Parce qu'on dit souvent, et c'est une sorte de topos pour épater les gens en soirée, on dit, vous savez que les requins sont apparus avant les arbres, ce qui est partiellement vrai. En tout cas, c'était au Dévonien, c'est-à-dire approximativement en même temps, mais le mégalodon, quelles sont ses dates ? Alors le mégalodon, il est apparu il y a 23 millions d'années, c'était à l'époque du Miocène inférieur. Il a prospéré dans toutes les eaux du globe, c'était un animal cosmopolite. Il a eu un pic d'activité il y a à peu près moins 16 millions d'années, c'est vraiment le moment où, encore une fois, d'après la datation des dents fossilisées qu'on trouve aujourd'hui, on sait qu'il y a moins 16 millions d'années, il pullulait de partout. Ça a été son climax. Et puis il disparaît. Et puis il se volatilise il y a 3 millions d'années à peu près. Là, on est à l'époque du Pliocène supérieur. Et il disparaît sans qu'on sache réellement pourquoi. Et si finalement il y a une actualité, je voyais sur le fil Twitter de la méthode scientifique tout à l'heure, il y avait des gens qui disaient, finalement, pourquoi est-ce qu'on parle du mégalodon aujourd'hui ? C'est quoi l'actualité du mégalodon ? Si on a fait ce papier là, qui est dans le Science et Avenir, qui est en kiosque en ce moment, si on a fait ce papier sur le mégalodon, c'est parce que l'actualité, c'est qu'il y a de nouvelles conjectures sur les raisons de sa disparition, qui pourraient être associées à un changement climatique, un refroidissement climatique. Ça veut dire que le mégalodon, on a parlé tout à l'heure pendant le Journal des Sciences des conséquences du changement climatique, déjà, il y a 3 millions d'années, le mégalodon, une bête qui faisait dans les 15 mètres de long, aurait pu disparaître en raison du changement climatique. Alors justement, quelles sont les évidences, Olivier, à ce propos ? En fait, pour comprendre ce qui a pu se passer et pourquoi le changement climatique a pu venir à bout de ce type de mastodonte des mers, il faut peut-être en comprendre l'écologie. Oui, il faut savoir comment cette grosse bête sympathique s'occupait de ses juvéniles. Et le mégalodon, comme d'autres requins aujourd'hui, avait ce qu'on appelle des nurseries, c'est-à-dire il y avait des coins dans des baies avec des eaux peu profondes qui étaient protégées par des récifs coralliens, donc protégées de plus gros prédateurs. C'était des endroits comme ça où il élevait ses petits. On sait ça, les spécialistes savent ça par analogie avec les grosses bêtes marines qui existent aujourd'hui, qui fonctionnent de cette façon-là, qui sont des animaux à maturation sexuelle tardive, avec un faible taux de reproduction, donc ils n'ont pas beaucoup de petits, et donc ils sont obligés de bien s'occuper de ces juvéniles pour assurer la perpétuation de l'espèce. Donc le mégalodon, il il fonctionnait comme ça, il avait ses propres nurseries. On le sait, les scientifiques de l'université espagnole de Valence qui ont fait ce papier dans The Royal Society Journal Biology Letters le savent parce que ils ont trouvé du côté de Tarragone, au nord-est de l'Espagne, ils ont trouvé un vrai gisement de petites quenottes. Enfin, elles sont déjà là. Elles sont déjà de belle taille, mais voilà, elles sont déjà dans le musée de Tarragone. Mais enfin, ils ont vu qu'il y avait un vrai gisement à cet endroit-là de dents de juvéniles. Et donc, ils ont établi que dans ce coin-là, il y avait une nurserie. Et plus encore, ça, on le savait qu'il y avait des nurseries de mégalodons. Mais là, ils ont pu déterminer qu'il y en avait ailleurs dans le monde. Et finalement, il y en avait un petit peu partout. Hein. Là, on a vu au Panama, il y en a plusieurs aux États-Unis. Et donc, ce phénomène de nurserie, qui était une façon de protéger les petits du mégalodon, ça aurait pu aussi précipiter sa perte en raison de ce fameux refroidissement climatique dont on sait qu'il a eu lieu dans cette jonction entre le Miocène et le Pliocène. Alors justement, qu'est-ce que c'est que cet épisode de refroidissement? À quoi il correspond? Il correspond également à une modification vraiment des courants océaniques, parce que c'est notamment le moment où l'isthme de Panama va fermer la communication entre les deux grands océans. Du coup, les courants de circulation océanique ne peuvent plus passer d'un océan à l'autre. Il y a ce refroidissement qui provoque une augmentation de la couche des calottes au pôle. Les eaux se refroidissent un petit peu partout. Et ça a un effet sur les proies du mégalodon, puisque cet animal, évidemment gigantesque, il avait besoin de se nourrir, il avait besoin de beaucoup, beaucoup manger. Du plancton, notamment. Alors, il croquait plutôt volontiers dans les baleines primitives. Hein. Il avait besoin de bons gros beefsteaks. Et ces baleines primitives, au moment du refroidissement climatique, elles ont évolué. Elles ont eu tendance, alors qu'elles vivaient un petit peu partout dans les eaux du globe, elles ont plutôt eu tendance à s'éloigner des régions tropicales ou intertropicales qui sont celles que préférait le mégalodon, même s'il était cosmopolite, il y avait quand même des coins qu'il préférait, donc elles se sont éloignées de lui. Et la nourriture du mégalodon s'est raréfiée. Il est entré en compétition, se faisant avec des animaux plus petits. Il y avait déjà des grands blancs, hein, trois fois plus petits, qui étaient plus agiles, qui mangeaient à peu près les mêmes choses, mais qui avaient plus de facilité pour les attraper. Tout ça, ça fait des paramètres qui, additionnés les uns aux autres, peuvent expliquer un affaiblissement de cet animal, du mégalodon. Oui, parce que par ailleurs, le refroidissement climatique en tant que tel, on pense et on estime d'ailleurs, Olivier, que ces animaux étaient mésothermes, c'est-à-dire qu'ils avaient une faculté de contrôle de leur température intérieure. Oui, comme souvent les animaux géants d'ailleurs. Oui, c'est un argument qui plaide plutôt pour une forme de résistance du mégalodon à ce refroidissement climatique. Disons que ce n'est pas lui dans sa physiologie qui aurait été directement frappé par ce changement de température. Lui, il aurait pu s'y adapter. Le problème, c'est que ce refroidissement s'est traduit aussi par une baisse du niveau des eaux, ce qui veut dire que les fameuses nurseries qui sont sur les côtes, donc dans des eaux relativement basses, elles ont été asséchées. Et les petits, il y avait toujours des petits, mais ils n'étaient plus protégés à l'intérieur de ces baies. Ils étaient en pleine mer, quoi, finalement, et ils étaient au contact des plus gros prédateurs. Donc on voit qu'il y a cette association de phénomènes. Les nurseries disparaissent, donc les juvéniles sont mis en danger. Les proies naturelles du mégalodon, les baleines primitives, s'éloignent des zones de prédilection du mégalodon. Il a moins de choses à boulotter. Il se retrouve en compétition avec des animaux plus petits, plus agile, plus start-up nation, quoi. Commencez pas avec des analogies douteuses. Hein. Et voilà, c'est fini pour lui, c'est fini pour le mégalodon. Alors vous l'avez dit, en fait, ce qui est intéressant, vous citez dans l'article un chercheur qui dit il y a une règle en paléontologie, moins on en trouve, plus on peut raconter de choses, parce qu'évidemment, et surtout sur ce type d'animaux qui est frais, qui est un peu mythologique, qui est évidemment du fuel à scénario hollywoodien. Plus ou moins réussi. En fait, de quoi on dispose aujourd'hui, à part quelques dents, finalement, comment est-ce qu'on pourrait en apprendre plus? Il faudrait qu'on tombe sur des fossiles complets. Oui, c'est Alain Pradel du Muséum National d'Histoire Naturelle qui dit ça dans ce papier qui est à lire dans Sciences et Avenir, qui dit ça avec humour, évidemment. Mais c'est vrai, parce que c'est quand même fantastique d'imaginer qu'il n'y a littéralement que des dents, hein, c'est quelques petits bouts de vertèbres. Qu'est-ce qui permettrait d'en savoir davantage? Eh bien, sans doute de découvrir un jour un squelette bien plus intègre, bien plus entier du mégalodon. Parce que, après tout, il n'y a pas de raison en soi pour que ces squelettes aient absolument disparu. Évidemment, c'est pas des squelettes comme nous, c'est pas des os. C'est du cartilage. C'est du cartilage. Mmh. Donc c'est une matière qui est plus difficile à fossiliser. Mais dans des conditions particulières, en absence totale d'oxygène, s'ils sont bien empaquetés sous des couches de sédiments, un reste entier de requins pourrait sur le papier, c'est possible, pourrait être découvert. Évidemment, il faut avoir une technologie pour aller le dénicher. C'est une chasse au trésor, quoi. Hein. Mais sur le papier, c'est possible. Et si un jour on trouve un squelette entier de mégalodon, ou en tout cas un squelette bien plus complet que ce qu'on a aujourd'hui, eh ben, on pourrait en savoir davantage sur cet animal mythique. Qu'est-ce que ça vous évoque, ces histoires de mégalodons et de requins géants, Louise Fidel? Vous avez un mot, une réaction à tout ça? Moi, ça m'a passionné comme sujet. C'est pas mon sujet de recherche, mais ça me retransporte quand j'étais petite, que j'allais au Muséum d'Histoire Naturelle, dans les grandes galeries. C'est vrai que j'ai toujours été émerveillée par ce domaine de recherche qui me fascinait, et de pouvoir trouver des informations et d'élaborer des hypothèses à partir de dents. Moi, ça m'émerveille. Anne de Broise, une réaction à ces recherches, à ces animaux mythiques qui convoquent évidemment beaucoup d'imaginaires et beaucoup de fantasmes? Oui, je suis également émerveillée par la somme d'informations qu'on arrive à tirer de petites dents et de très peu de restes. Et en même temps, ça pose une question plus générale, de savoir si effectivement les espèces qui sont au sommet des chaînes alimentaires, qui ont de gros besoins, ne sont pas quelque part plus fragiles. Bien sûr. Quand il y a un changement de climat. Absolument, et on va continuer à naviguer dans les eaux troubles océaniques et troubles, non pas parce que la mer est mauvaise, mais parce qu'elles sont remplies malheureusement de plastique. C'est dans un instant. C'est vendredi, c'est la réouverture des restaurants, bientôt des clubs discothèques. Ça a inspiré notre réalisateur Olivier Bétard pour le titre du jour, Foam de Ghost Town, comme toujours en soutien, et nous le rappelons, à la scène musicale indépendante française. Nous poursuivons notre tour de table en ce vendredi consacré à l'actualité de la science et de la recherche, avec bien toujours l'océan, mais quelques millions d'années plus tard, après le mégalodon aujourd'hui, où le plus grand péril maritime n'est donc pas un requin géant, mais les millions de tonnes de microplastiques déversées annuellement dans l'océan qui forment plusieurs gyres, hein, qu'on a également appelé continents de plastique. Mais voilà, il y a un problème majeur, c'est que ces gyres ne représentent qu'une infime fraction de tout le plastique rejeté chaque année dans les océans. D'où cette question, Anne de Broise, où est le plastique restant? Oui, c'est une question qui est apparue en 2015, quand l'équipe de Jenna Jambeck à l'Université de Géorgie a évalué, a fait le calcul, a soupesé la quantité de plastique qui existait dans ces continents. Et on s'est rendu compte que ça coïncidait pas du tout. Donc, pour vous donner les chiffres, on produit 400 millions de tonnes de plastique par an actuellement. Il y en a à peu près 10 millions qui sont rejetés en mer chaque année, donc 10 millions de tonnes chaque année, et l'équipe de Jenna Jambeck en a donc trouvé 300 000 tonnes dans les GIR. Donc il y avait un problème. Oui, ça fait à peine 1% des dizaines de millions de tonnes. Donc du coup, il y a beaucoup d'efforts de recherche qui se sont intéressés, et bien qui ont essayé de trouver, de comprendre déjà cette espèce de cycle, de ce qu'on pourrait appeler le cycle des microplastiques océaniques. Alors exactement, on a découvert que de la même manière qu'il y a naturellement un cycle du carbone, le carbone qui se trouve dans l'atmosphère, qui intègre les océans, qui intègre les sédiments, qui un cycle du nitrate, un cycle, etc. Eh bien, nous avons initié un cycle du plastique. Et qui a maintenant bouclé la boucle, hein, puisque nous le rejetons, et à un moment ou à un autre, il va finir par revenir dans nos assiettes par le biais des poissons qu'on mange, effectivement. Et donc les chercheurs depuis 2015 ont retracé ce cycle-là. Et on commence à avoir une bonne idée de par où il passe, et surtout ça bat en brèche l'idée qu'on pouvait avoir, que ces gires de plastique étaient un peu un cul-de-sac, étaient l'endroit où ça terminait. Eh bien non, pas du tout. En fait, la plus grande partie du plastique qui est rejeté en mer, d'abord il y en a une grande partie, la moitié à peu près, qui coule, parce que ce sont des plastiques qui sont plus denses que l'eau. Ce sont les polycarbonates, les PVC, ils sont plus denses que l'eau, donc quand ils sont charriés par les rivières, ils arrivent au niveau sous-marin, dans des espèces de canyons qui servent de canalisation et qui concentrent ces plastiques-là. Et on a découvert en début d'année, par exemple, des images assez terribles qui étaient publiées par une équipe chinoise, et il y a eu également des équipes européennes. Alors en Chine, c'était donc au large de la Chine, à une centaine de kilomètres de la côte, et bien à 2000 mètres sous la surface, de gigantesques déchetteries sauvages. Et on a la même chose dans la Méditerranée, qui est extrêmement polluée par les plastiques. Et la question c'est d'autant plus inquiétant, en fait, que une fois que les plastiques ne sont plus soumis à la lumière, à la photodégradation, qu'ils sont dans un milieu aqueux, donc salin, qui sont dans un milieu froid, eh bien, ils ne bougent plus. Ils sont quasiment éternels. On ne sait pas combien de temps ils peuvent rester là, mais on imagine des centaines, voire des milliers d'années, sans être vraiment dégradés. Alors, ils servent d'habitat à la faune locale. Ils servent d'habitat, ils servent de nourriture également, et du coup, ils rentrent dans les cycles de nutrition, et c'est pour ça qu'on finit par retrouver des microplastiques, d'ailleurs, jusque dans la fosse des Mariannes, qui est la fosse océanique la plus profonde. Effectivement, hein, ces images de ces canyons, sous-marins de microplastiques sont assez terrifiantes. Ce qu'il faut comprendre, effectivement, Anne, c'est qu'il y a ces plastiques qui coulent, ceux que vous venez de décrire, puis il y a tous les autres plastiques qui flottent, donc on pourrait se dire, en fait, ceux qu'on ne voit pas, ce sont ceux qui coulent. Mais là encore, c'est plus compliqué, parce que ceux qui flottent ne flottent pas éternellement. Alors oui, c'est intéressant. Donc on a dit, on a à peu près la moitié qui coule, hein, la moitié de la production qui coule, et la moitié qui flotte. Hein. Ceux qui flottent, c'est les polyéthylènes, les polypropylènes, donc typiquement nos bouteilles d'eau, de shampoing, les bouchons qui vont avec. Les sacs plastiques. Les sacs plastiques également, tout à fait. Et donc, ils sont, une fois rejetés, mais finalement, la plus grande partie revient très, très rapidement à la côte. Plus de 90%. Mais, une fois à la côte, elle est soumise aux marées. Elle se remet à circuler, notamment également lors des tempêtes. Les tempêtes jouent un très, très grand rôle dans la recirculation des plastiques. Donc, ils vont sur les plages, ils repartent, ils y retournent, etc. Et à chaque fois qu'ils sont sur les plages, là, ils sont soumis à une très très forte photodégradation, au frottement, etc. Donc ils se dégradent, ils se fragmentent en tout petits morceaux. Donc soit ils intègrent les sédiments bord des côtes, soit effectivement là, ils reprennent le chemin et ils peuvent, en suivant les courants marins, poussés par les courants, arriver dans ces grands gires de plastique. Et on a également découvert que dans ces grands gyres, alors il y avait une autre grande question, c'est qu'on avait l'impression que leur taille n'augmentait pas et que la quantité de plastique qu'ils contenaient n'augmentait pas malgré nos rejets croissants. Or, quand on fait des études et qu'on teste, qu'on fait des prélèvements sur la colonne d'eau, on se rend compte qu'effectivement, aujourd'hui, sur une colonne d'au moins 2000 mètres, hein, c'est ce qu'on a réussi à tester, on n'est pas allé plus loin, mais sur au moins 2000 mètres de profondeur, il y a des microplastiques. Alors, ils ne sont pas forcément extrêmement visibles. Hein, et mm-hmm. On a nié l'existence des continents de plastique en disant « mais moi, j'ai traversé l'Atlantique, j'ai rien vu ». Effectivement, si on veut rien voir, on voit rien, parce que à ce niveau-là, ils ont été tellement fragmentés et tellement usés qu'on n'a plus que des fragments de 5 à moins d'un millimètre très, très souvent. Mmh. Mais si on les cherche, effectivement, on les trouve. Et qui sont transparents, effectivement, et qui disparaissent des radars complètement. Hein. Ce qui est aussi très impressionnant, Anne, c'est qu'on se rend compte que ces microplastiques, ceux qui sont dans les gyres, sont aussi là depuis très longtemps et beaucoup plus âgés que ce qu'on imagine. Et justement, en suivant cet itinéraire des plastiques, on s'est rendu compte qu'ils pouvaient mettre des années, voire des dizaines d'années à arriver jusque dans les gyres. Je crois que c'est Laurent Le Breton qui est des spécialistes que j'ai interviewé, qui fait partie d'une association qui s'appelle The Ocean Cleanup. Il me disait qu'il avait vu des bouées qui dataient des années 60, donc tout début de cette ère du plastique. Mmh. Et du coup, alors ces plastiques-là, a priori, ils flottent et pourtant, ils vont finir par être immergés et par se retrouver sur le plancher océanique parce que, une fois de plus, eh bien, une fois qu'ils sont dans l'eau, tout toxiques qu'ils sont, ils intègrent des cycles de vie et ils sont récupérés par la vie ambiante. Oui, effectivement, on pourrait se demander pourquoi ceux qui flottent et qui sont moins denses que l'eau finissent par couler. Et oui, ils coulent parce qu'ils sont au bout d'un moment colonisés par des bactéries, par des algues qui les protègent du coup d'une plus grande dégradation, donc qui prolongent énormément leur durée de vie. Et là, ils commencent à couler et ils font partie de ce qu'on appelle une forme de neige marine hein, qui... Mmh. C'était un terme qu'on employait beaucoup pour justement décrire les cycles du carbone. Ce carbone qui sous forme d'éjections, d'algues ou de phytoplancton mort tombe en permanence vers le fond. Et bien maintenant, on y trouve également des plastiques qui s'agglomèrent avec la vie marine et qui tombent ainsi sur le fond. Et une fois que ces plastiques sont sur le fond, ce sera certainement l'un de nos legs aux générations futures. Hein. Si un jour l'humanité disparaît, on pourra, pour la prochaine civilisation, des corbeaux, des poulpes ou des cafards, en faisant des sondes, retrouver bien une trace de notre civilisation humaine, comme une couche de sédiments plastiques identifiable partout sur le plancher océanique, mais également d'ailleurs, alors ça ne figure pas dans le papier, mais on en avait parlé à ce micro, également dans les glaces et dans les couches de glace, puisqu'il y a des microplastiques qui sont en circulation dans l'air et qui finissent par se déposer sur les glaciers, autant en Arctique qu'en Antarctique, c'est-à-dire qu'ils sont aujourd'hui, Anne, littéralement partout. Oui, tout à fait, ils sont partout, ils sont dans notre organisme également. Hein. Alors la question, c'est de savoir dans quelle mesure c'est dangereux, parce qu'il ne faut pas être trop catastrophiste non plus, même si ce n'est pas forcément un sujet très, très drôle. Le plastique en lui-même pose problème parce qu'il est extrêmement durable, mais peut-être que ce qui est plus dangereux au-delà du plastique, ce sont les adjuvants qu'on y met hein, pour faire que les plastiques prennent feu moins facilement, pour leur donner des couleurs, pour leur donner des qualités de souplesse qu'ils n'avaient pas au départ. Et ça, par contre, ce sont souvent des molécules qui interagissent avec le vivant, comme des perturbateurs endocriniens, et c'est peut-être plus inquiétant que la matrice elle-même du plastique. Les phtalates, etc. On en parlait à ce micro il y a pas très longtemps. Il y a une rumeur ou un lieu commun qui est d'ailleurs pas tout à fait vérifié, Olivier, qui dit que déjà aujourd'hui dans notre alimentation occidentale, on ingère l'équivalent d'une carte bleue de plastique par semaine. Je la connaissais pas, celle-là, pour être honnête. Elle avait été un peu débunkée par des invités autour de cette table, mais enfin, c'était pour évidemment, comme toujours, pour saisir l'imagination et de se dire que tout de même, manger une carte bleue par semaine, ça fait un petit morceau. Ce qui est vrai, ça cale bien en fin de repas. La production de plastique, elle ne semble pas vouloir se freiner. Hein. On avait fait un papier sur le site qui disait que en 1950, chaque humain pesait. Pas manger, mais peser 800 grammes de plastique et qu'aujourd'hui c'est 50 kilos. Donc on voit que tout ça peut donner le vertige, effectivement. Hein. Anne, un mot pour conclure, effectivement, hein, le papier que vous avez signé ne s'arrête pas sur une note très optimiste, puisque vous rappelez que la production de plastique, malgré les efforts aujourd'hui qui visent à la limiter, ne va pas seulement augmenter, mais elle devrait doubler, donc de plastique vierge, d'ici 2050. Et on parle pas de, je parle bien de plastique vierge et non recyclé. Hein. Enfin, je parle sous votre contrôle, Anne. Oui, bien, on parle effectivement de la production de plastique totale, hein, pas recyclé. Effectivement, elle est prévue pour doubler, hein, malgré peut-être les efforts que nous faisons à titre individuel. Elle augmente, on en produit de plus en plus. Alors l'intérêt de ce genre de recherche, hein, c'est d'essayer de voir à quel endroit du cycle on peut agir pour être le plus efficace, de se dire que envoyer des bateaux filtrer la mer sans savoir par où passent ces plastiques, où sont les courants, où sont les zones de passage les plus denses, c'est peut-être pas très utile. Et par contre, il y a certainement des endroits où on peut agir, sachant qu'effectivement, le plus efficace, ce sera d'agir à la source et d'éviter que ce plastique ne finisse dans les systèmes aquatiques. Le meilleur déchet étant le déchet qui n'est pas produit. Merci beaucoup, Anne. On passe à la troisième partie de cette émission. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h45, troisième partie un peu inhabituelle, puisque c'était hier soir la finale du concours Ma thèse en 180 secondes, concours qui consiste, comme son nom l'indique, dans le fait de présenter ses travaux de thèse, a priori complexes, avec une image à l'appui, le tout en 3 minutes, hein, 180 secondes, 3 minutes, si votre base 60 est un peu douloureuse, voilà, c'est l'équivalent. Nous avons le plaisir donc de recevoir à cette table les deux premiers prix, prix du jury et prix des internautes, Paul De Kitt. Donc le titre de votre thèse, analyse des données RMS multimodale par intelligence artificielle pour la discrimination binaire du grade du gliome. Voilà, c'est ça. Je vous laisse 3 minutes pour nous expliquer ce que c'est. Alors, c'est un sujet de thèse qui parle de tumeurs cérébrales, qui sont les gliomes, qui évoluent en glioblastome. Le glioblastome est une pathologie extrêmement mortelle à très court terme. Et comme cette tumeur se développe souvent par une première phase qu'on appelle de bas grade, qui est souvent asymptomatique, c'est-à-dire silencieuse pour le patient, on a besoin de pouvoir prédire à quel moment cette tumeur va basculer et donc va devenir très agressive. Pour cela, le patient passe un examen IRM, souvent avec de l'IRM anatomique, mais l'IRM permet d'avoir d'autres modalités, donc comme l'IRM de perfusion, de diffusion, on parle aussi d'IRM fonctionnel parfois, qui est aussi une modalité intéressante. Et nous, à Poitiers, on utilise également la spectroscopie par IRM, qui permet d'aller voir jusqu'au niveau moléculaire, comment fonctionnent presque les cellules ou les zones du cerveau. En combinant ces informations, le radiologue arrive à poser son diagnostic. Et ce que mon travail de thèse cherche à faire, c'est de reproduire ce diagnostic pour lui fournir un deuxième avis par intelligence artificielle. Donc c'est donc une aide au diagnostic par intelligence artificielle, du coup, qui vient assister le radiologue. Et du coup, deuxième prix du jury, Louise Flidel, vos travaux de thèse, conception, caractérisation des nanovecteurs et évaluation de leur interaction avec la barrière placentaire. Pareil, je vous laisse nous expliquer en quoi ça consiste. Oui, donc mon sujet porte effectivement sur la conception de médicaments pour la femme enceinte, pour des pathologies qui surviennent lors de la grossesse. Moi, je suis particulièrement spécialisée et intéressée par des nanomédicaments qui pourraient cibler la barrière placentaire pour des maladies liées au placenta, qui est un organe transitoire qui apparaît lors de la grossesse. Et lors de ma recherche, on s'est rendu compte qu'en fait, ces nanomédicaments, les liposomes, qui sont donc une enveloppe particulière de médicaments, pouvaient avoir d'autres trajectoires dans le corps et pouvaient aussi servir à développer des des médicaments qui permettraient de potentiellement guérir une femme enceinte qui développe une maladie sans avoir un problème de passage transplacentaire des médicaments qui passeraient du côté du bébé, ce qui arrive aujourd'hui avec tous les médicaments communs qu'on peut trouver en pharmacie. Les femmes enceintes ne peuvent pas se traiter comme d'autres patients. Donc voilà, moi mon projet de thèse porte vraiment donc sur tout ce panel de médicaments pour les femmes enceintes. Deux projets de thèse effectivement en médecine assez passionnants. Comment est-ce que vous avez travaillé, Paul, pour partir et pour participer à ce concours? Parce que sur les trois minutes de la présentation, il faut faire une mise en forme particulière, parler ici, on est dans une émission scientifique et tout le monde, a priori, peu ou prou, a compris de quoi il s'agissait. Comment est-ce qu'on transmet, comment est-ce qu'on vulgarise un sujet aussi complexe que le vôtre? Alors, moi, ce que je réponds à cette question, c'est déjà de prendre le sujet un peu à l'envers. C'est un sujet qui est très grave pour les patients et pour les personnes qui le vivent. Donc, la manière de désamorcer cette charge émotionnelle qui peut être très forte, surtout sur un sujet qui est un peu terrifiant de cette manière, parce que quand on parle de tumeur silencieuse, ça veut dire que ça se développe chez des personnes qui ont à peu près mon âge, et puis à 40-50 ans, pouf, bah, je fais une crise d'épilepsie et c'est fini. Effectivement, c'est un peu terrible. C'est un peu terrible. Glaçant, oui. Donc, pour éviter ça, pour désamorcer cette charge-là, moi, je suis passé par l'humour. Mm-hmm. Parce que l'humour est un formidable vecteur pour inverser les émotions, pour transformer ça et susciter chez l'auditoire aussi un lien qui permet du coup de faire en sorte que les idées passent mieux. Parce qu'on a établi ce contact par une petite blague en disant « moi j'aime bien faire des blagues, attendez, mon sujet il est pas drôle, mais on va rigoler quand même ». Et c'est de cette manière-là que j'ai construit mon texte. Alors est-ce que du coup on peut écouter vos textes? Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a valu ce premier prix? Parce qu'on a envie d'entendre maintenant qu'on a compris ce sur quoi vous travaillez, comment vous avez réussi à le transmettre dans cet exercice, dans ce concours? Moi, je commence justement en disant, en fait, mon sujet de thèse, il n'est pas drôle. Moi, j'ai vraiment un problème parce que je travaille sur les tumeurs des cerveaux qui touchent, ces tumeurs cérébrales qui touchent les enfants. Et moi, j'aurais préféré faire des blagues, en fait. Donc, je suis désolé, on va le faire de cette manière-là. Puis après, j'explique que la tumeur va évoluer en deux phases, que si on faisait un axe du fun, on serait vraiment au top parce que là, c'est la finale, c'est absolument incroyable. Et puis moi, quand même, on va parler de gens qui meurent. Donc, voilà, il faut toujours jouer sur ces ambiguïtés entre c'est très joyeux parce que l'événement est festif et en même temps, on va parler de choses graves. Et on arrive derrière avec une posture qui est un peu construite. Là, il faut bien regarder le dispositif où on arrive un peu en sauveur de la science qui va apporter une solution. C'est moi, avec l'intelligence artificielle, je vais vous apporter des solutions, mais vous en faites pas, mon algorithme, il fait des erreurs. Donc là, tout le monde est surpris. Comment ça, l'algorithme fait des erreurs, mais c'est pas du tout une bonne solution? Et c'est à ce moment-là qu'on répond que, en fait, non, mon algorithme ne doit pas choisir tout seul. C'est en collaboration avec le radiologue qu'on obtient une analyse plus précise. On va, on a mis sur le fil Twitter de l'émission vos performances que nos auditrices et nos auditeurs peuvent aller regardez, puisqu'il y a aussi une image, tout ça a été filmé. Louise, quel a été l'angle que vous avez choisi, vous, pour votre présentation et pour expliquer vos travaux de recherche? Moi, c'était un petit peu différent. En fait, moi, je travaille sur un sujet qui, finalement, passe un peu inaperçu. En fait, les problèmes de médication de la femme enceinte, finalement, oui, c'est passé un peu dans le langage courant. C'est, oui, une femme enceinte ne peut pas prendre de médicaments. Donc, moi, j'ai voulu interpeller, finalement, avec mon petit slogan publicitaire au début, l'utilisation de médicaments peut comporter des risques, ne pas utiliser chez la femme enceinte. Rappeler aux gens, oui, on entend tous ce petit slogan dans les pubs, mais est-ce qu'on se pose vraiment la question de si une femme enceinte tombe malade, en fait, on fait quoi? Et aujourd'hui, on essaye de faire des choses. On n'en a pas fait. Voilà, ça a été un peu compliqué de mettre en place ce sujet parce que il est assez risqué de travailler sur la femme enceinte. Développer des médicaments chez la femme enceinte, finalement, ça fait un peu peur. Donc, personne ne veut vraiment se risquer un peu sur ce terrain. Aujourd'hui, en fait, ça commence à sortir un petit peu et je suis bien contente que ça soit sur le devant de la scène. Olivier, un mot pour nos deux doctorants. D'abord, bravo. Un mot, c'est bravo. Et puis, c'est formidable d'avoir des jeunes gens qui, d'abord, qui font de la science et qui la font à un niveau d'excellence comme celle que vous représentez, mais qui aussi ont à cœur d'expliquer ce qu'ils font et de médiatiser. Parce qu'en médiatisant leurs propres travaux, ils médiatisent la médiatisation. Et c'est ça qui est important à notre époque, je pense, parce que les scientifiques là vont sortir de la crise du Covid d'une façon pas forcément tout à fait d'équerre, et il va falloir porter une parole vigoureuse de promotion des sciences et d'explicitation des sciences, de la science telle qu'elle est faite selon la méthode scientifique. C'est intéressant parce que on me pose souvent la question quand on me demande de parler un peu du travail de vulgarisateur, justement du rapport que l'on peut avoir avec les chercheuses et les chercheurs, en disant est-ce que les chercheuses et les chercheurs savent parler de leurs travaux, est-ce qu'il y a des gens qui ne veulent pas, qui veulent rester loin des médias, etc. Et on se rend compte qu'effectivement aujourd'hui le travail de communication des travaux scientifiques est de plus en plus important, que le travail de vulgarisation des chercheurs eux-mêmes est de plus en plus important. Quelle est votre position l'un et l'autre par rapport à ce sujet, Paul ? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Dans la fiche de poste d'un chercheur, il y a à la fois une partie pour créer de la connaissance nouvelle par la recherche, mais il y a aussi presque à charge égale de l'enseignement et de la médiatisation du travail de la recherche. Dans mon laboratoire, on est vraiment très attentif à ça. On a une expression qui est « il faut rendre ». Au public. Il faut rendre au public. On a de la recherche qui est faite par des fonds publics, parfois par des fonds privés. Moi, j'ai bénéficié d'une thèse CIFRE, donc par financement industriel. Et pourtant, j'ai évolué durant ma thèse dans cet environnement où on nous a dit il faut rendre au public. Et donc, on a des interventions en région, parfois dans des petits villages, on va leur parler de traitement d'image et on se rend compte que les gens viennent et que ça les intéresse. Ah mais ça, il y a un public pour la science, évident. Louise, c'est intéressant parce qu'il y a effectivement certaines chercheuses ou certains chercheurs, alors peut-être que beaucoup moins maintenant et que c'est quelque chose effectivement qui a changé avec les générations, mais qui disaient, bon, un chercheur c'est fait pour chercher, c'est pas fait pour faire le guignol sur les plateaux radio, c'est pas fait pour faire des dossiers administratifs par ailleurs non plus, mais enfin voilà, de dire le travail de la recherche, c'est la recherche en elle-même. Qu'est-ce que vous répondez à ça, vous ? Je réponds qu'aujourd'hui ça change et je suis bien contente que ça change parce que justement en fait un chercheur n'est pas là que pour chercher, on peut aussi montrer qu'on trouve des choses et que les gens, comme le disait Paul, en fait on rend un petit peu aux gens, on leur montre, voilà, ça avance. Et il y a des sujets qui ont besoin d'avoir de la communication dessus, comme moi je me sens particulièrement concernée hein, parce que là ça, voilà, je vous le dis, ça commence effectivement à sortir et il faut parler de ces sujets des fois un peu compliqués et c'est très important. Et j'ose espérer qu'il n'y a pas de chercheurs qui refusent de communiquer, qui soient vraiment anti-communication. Il y en a sans doute que je n'ai pas rencontré. Mais moi, j'ai de la chance d'être dans un laboratoire aussi qui attache beaucoup d'importance à la communication parce que c'est bien de s'ouvrir, ce qui permet de créer des liens aussi entre les laboratoires, de créer du lien dans la recherche avec les gens qui ne sont pas forcément dans le milieu et voilà, de partager. C'est pour ces raisons-là que vous étiez inscrit à l'un et l'autre concours ? Oui, Louise ? Moi, complètement, oui. Paul, oui, pour faire de la médiatisation et aussi parce que c'était vraiment quelque chose d'amusant. Je pense qu'on s'est pris au jeu et c'est un vrai plaisir. Anne Debroise, un commentaire ou une question à nos deux doctorants ? Bon, d'abord, je voudrais leur dire que je suis très très admirative du résultat. J'invite vraiment les auditeurs à aller voir. C'est 180 minutes parce que 180 secondes. C'est 180 minutes, c'est un peu long. C'est une soutenance, c'est plus la même chose. Ah non, mais une soutenance, c'est plus gros que ça. Anne, je vous en prie. Et voilà. Et ensuite, effectivement, par le biais de ces deux chercheurs, remercier effectivement tous les chercheurs qui nous parlent tous les jours, qui nous expliquent très patiemment, qui nous réexpliquent et qui sont la plupart, la grande majorité, extrêmement disponibles pour nous permettre à nous journalistes de faire notre travail. Et effectivement, ils parlent de mieux en mieux et sont de plus en plus envie de participer à cette communication. Vous en êtes tout de votre parcours universitaire et académique, Paul. Vous avez soutenu votre thèse. Oui, j'ai soutenu en février 2021. Donc maintenant, je suis docteur en traitement du signal et des images. Félicitations. Merci beaucoup. Université Confédérale Léonard de Vinci. Oui, donc c'est le regroupement CNRS, le Limoges Poitiers. Université Confédérale Léonard de Vinci, c'est le regroupement régional entre l'université de Poitiers et l'université de Limoges. Moi, je suis étudiant à l'université de Poitiers. D'accord. Et donc, la suite, c'est un postdoc. C'est un postdoc. Là, j'ai profité de quelques mois pour finir certains articles. D'accord. Ok. Maintenant, effectivement, je commence à chercher mon postdoc assez assidûment. En France, à l'étranger ? Je me ferme pas à l'étranger, même si effectivement, si jamais c'est à l'étranger, j'aimerais que ce soit proche pour des questions de conscience écologique, pour éviter de prendre l'avion trop souvent, même si ce sont des choses qui s'entendent. En plus de ça, oui, donc le sujet qui m'intéresse, c'est de faire une petite déviation par rapport aux tumeurs. J'aimerais travailler sur le fonctionnement du cerveau avec de l'IRM fonctionnel ou de l'électroencéphalogramme pour mieux comprendre comment ça marche. Et Louise, vous, vous êtes encore en cours, vous êtes à l'Université de Paris, école de, à le CNRS, Université de Paris, INSERM, c'est ça? Oui, tout à fait, voilà. À la faculté de pharmacie de Paris. Donc, je termine en juin 2022 et j'aimerais ensuite partir dans l'enseignement ou la communication scientifique. Ça m'a vraiment ouvert la voie. Écoutez, vous avez l'air d'être doué pour ça, donc soyez la bienvenue. Bon courage en tout cas pour la fin de vos travaux de recherche. Merci beaucoup à toutes et tous d'être venus pour ce vendredi consacré à l'actualité des sciences de la recherche. À la une, Anne de Broise de Science et Vie. Alors, la une de Science et Vie, il y aura effectivement cet article sur les plastiques, hein, leur devenir en mer. Olivier Lascar, la une de Science et Avenir. La une de Science et Avenir, c'est les vaccins contre le cancer qui indiquent que les tests cliniques ont commencé. Paul, vous vouliez dire un mot encore ? Oui, il y avait un troisième prix du jury également qui n'est pas présent aujourd'hui, c'est Peter Steven Assalé. Il faut le saluer parce que sa présentation était vraiment formidable. Eh bien, on le salue et vous faites bien de le faire. Merci beaucoup encore à tous les quatre. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Tom Hudenstock, Eve Etienne, Céline Lozen, Noémie Négat, Saint-Vulfranc, Natacha Triou, Alexandre Morales, Olivier Bétard à la réalisation, Élise Le à la technique. La semaine prochaine dans le labo de la méthode scientifique, lundi nous parlerons des chaînes Sicut Quercus Insolitudine. Mardi, nous parlerons du programme spatial russe suite et fin, et notamment de la station Mir qui va nous tomber sur la tête. Mercredi, nous parlerons encore d'océan puisqu'il sera question de comment cartographier les fonds marins. Jeudi, quel droit international pour l'espace. Et vendredi, fiction, nous parlerons d'un monument de l'animé pour les amateurs de robots géants traumatiques et de monstres mystico-cauchemardesques. Il sera question d'Evangelion. La semaine prochaine sera vendredi à 16h jusqu'à preuve du contraire. C'est l'histoire d'une météorite vieille de 4,5 milliards d'années ou celle terrifiante de la momie Chachapoya. Celle encore du crocodile qui mangeait des dinosaures ou de la Vénus de l'Espug sculptée il y a 23 000 ans dans Côte d'Ivoire. Elles sont curieuses toutes ces histoires. 40 objets, 40 histoires qui nous embarquent loin. Une coproduction France Culture et Muséum National d'Histoire Naturelle. Les curieuses histoires du muséum. Un podcast original sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Dès le 7 juin.